Les pouvoirs énergétiques, les pouvoirs de la parole énergétique. Ah, c'est ce soir? Oui, c'est ça. Être ici maintenant, être ailleurs et la semaine passée. Je manquais ça. Apparemment que c'était bon. T'as pas écouté? Non. Il y a quelqu'un qui était là la semaine passée? Oui. Donc, on va parler de paroles énergétiques. Est-ce qu'il y a des paroles qui ne sont pas énergétiques? Est-ce qu'on peut parler, pas parler, puis il n'y a pas vraiment d'énergie ou il n'y a pas vraiment quelque chose qui est communiqué? Il y a du genre d'âge, c'est évident que quand quelqu'un parle, il y a toujours une énergie qui est communiquée, mais on a des énergies qui sont têteuses, donc qui sont des énergies qui vont plutôt refroidir l'ardeur de quelqu'un. Il y a des énergies qui vont le stabiliser, il y a des énergies qui vont guérir, il y a des énergies qui vont le pepper, il y a des énergies qui vont le motiver, il y a des énergies qui vont le commander. Donc, il y a des paroles qui sont moins énergétiques que d'autres. Si vous une question de différence potentielle, si toi tu es extrêmement énergisé, tu rencontres quelqu'un qui te parle d'une façon déprimée, il y a des chances que ou il va s'énergiser par ton contact, ou tu vas te déprimer par son contact, ou si tu fais partie de l'ère de la conscientisation, ben tu vas aller te promener ailleurs et te laisser se déprimer seul. Oui, c'est ça. Ma femme me fait ça souvent. Ah, mais t'es juste à être harassé, c'est d'être déprimé. Est-ce que l'inverse t'est arrivé? C'est pas acheter ton grand chien encore, c'est ça, ton grand Doberman. Est-ce que l'inverse t'est arrivé? T'en rappelles, le Doberman? Je l'ai pas acheté. Non. Est-ce que l'inverse t'est arrivé? Je t'avais dit que tu l'achetais pas, hein? Oui. Je t'ai dit que tu pourrais l'acheter. Il me disait qu'il était pas manipulé, que si tu voulais acheter le Doberman, il pourrait. J'ai dit non, tu pourras pas parce que tu t'es manipulé à pas en acheter un. Oui, si je veux en acheter un. Puis là, on s'obstinait un peu, puis il s'en est jamais acheté un. Puis ça n'achètera jamais un non plus. Pour l'instant. Bon. Vous voyez? Si on achète un truc, il va être en plante. Ah, mais ça ne sera pas un Doberman. Ça sera un double plante, mais ça ne sera pas un Doberman. Ça ne sera pas ça. Il ne peut pas. Il n'y a rien à faire. Il ne peut pas. Il ne peut pas. Non. Plus t'en parles, il n'y a pas un chien qui veut déménager chez lui. Hein? Ça se peut, ça. Donc, je reviens à ma question initiale. Est-ce que l'inverse peut arriver? Si on parle à quelqu'un puis qu'on a trop d'énergie, que ce soit l'autre personne qui s'en aille. Oui, ça aussi c'est fréquent chez les personnes qui sont colériques, hein, hein? Chez les personnes qui sont trop optimistes ou trop vendeuses. Ça peut arriver chez les personnes aussi qui se conscientisent, qui aimeraient à un moment donné conscientiser tout le monde. Ça peut être aussi les personnes qui évoluent, qui aimeraient évoluer tout le monde. Ça veut dire quoi? Ça veut dire si on a un témoin de Jéhovah, par exemple, qui se pointe quelque part, ben il y a des chances qu'il y ait des gens qui restent, il y a des chances qu'il y ait des gens qui se poussent. Mais c'est pas à cause de l'énergie de ce qu'ils disent. Quand ils viennent chez moi, normalement, c'est eux autres qui se poussent. Mais ça, c'est pas dans le timbre de voix ou dans l'énergie? Mais dans le timbre de voix, moi je dis attaque, c'est tout. La chatte, c'est le reste. Oui, le timbre de voix, l'énergie que tu dégages, mais pas uniquement par ta parole, évidemment, mais c'est quand même une bonne chose, l'énergie endoformique, donc la forme que tu dégages, ta voix et ta parole. Quand on parle de la voix, on parle de l'intonation, on parle de la vibration. Quand on parle de la parole, on va parler des mots qui sont placés. Quand une personne a le contrôle de la parole et de la voix, là on parlera du verbe. Et une personne qui est capable de contrôler le verbe, elle est capable de faire des choses, elle aura donc une parole énergétique. Maintenant, c'est évident que c'est un peu comme apprendre à... Vous connaissez peut-être pas ça, là, non? Ouais. Apprendre à trouver des sources super, tu sais, à être sorti. Je sais pas si vous avez pratiqué ça souvent, mais en tout cas, quand on commence à faire ça, on n'est pas trop bon. Hein? On dirait toujours faire le bol de toilette. C'est, on trouve de l'eau dans la toilette. Et puis, à un moment donné, lentement, on commence à se rendre compte qu'on peut en trouver dehors, mais ailleurs que sur le bord du lac, ou ailleurs que sur le bord d'une source. Et puis, à un moment donné, on arrive à être assez bon. C'est une question d'entraînement, une question de on développe les choses. Pour le verbe, c'est la même chose. La personne, elle peut avoir des capacités ou des caractéristiques qui vont lui permettre d'avoir une parole énergétique. Mais encore une fois, pour parvenir à faire certaines choses, elle devra développer certaines, certains contrôles au niveau de son centre laryngé. Est-ce qu'on a besoin aussi d'avoir un vocabulaire élaboré? Vocabulaire élaboré, non, parce que souvent les personnes vont dire « j'ai pas les mots pour le dire ». Mais une autre personne va arriver avec des mots extrêmement simples, donc des mots que la première personne connaissait, et dans l'agencement de ces mots-là, là, elle entendra ce qu'elle a toujours voulu dire, mais qu'elle ne pouvait pas dire parce qu'elle disait « j'ai pas les mots pour le dire ». Alors souvent, ce qui va arriver, un bon poète, c'est quoi? C'est qui? C'est quelqu'un qui va être capable, dans la simplicité, de communiquer des choses extrêmement puissantes. Bon. Un vulgarisateur ou encore une vulgarisatrice, c'est une personne qui va être capable de prendre des mots accessibles à tout le monde, donc que les gens connaissent, et la personne va être capable de communiquer des choses qui sont d'une envergure. Si on parle des conférences, par exemple, psycho-ésotériques comme celle-ci, des conférences de philosophie, disons, de conscientisation, on peut vulgariser énormément. C'est évident qu'il va y arriver un temps où il n'y a pas nécessairement de mots, ou encore il faut prendre une explication de 20, 30, 40, 50 ou 200 mots pour expliquer quelque chose. Alors dans ce temps-là, on doit inventer un mot. Comme par exemple, si le mot ou les mots corps physique n'existent pas, ben pour parler du corps physique, il faudra en mettre des mots. Une unité carbone, comme il dit. Oui, c'est ça, une unité carbone, mais ça, c'était de longtemps. On parlait de corps physique, mais il faut mettre des mots. Hein? Si le mot eau n'existe pas, à tout bout de champ, on doit parler de du liquide, mais le liquide, quel liquide? En chimie, on parle d'un sel. Puis, ils sont rares les sels qui sont comestibles. Nous, on connaît le chlorure de sodium, qui est le sel de table, mais quand on parle en chimie d'un sel, on ne parle pas du sel. Un peu comme en astronautique, quand on parle d'un soleil, on ne parle pas du soleil. Quand on parle d'une lune, on ne parle pas de la lune. Alors, à un moment donné, il y a des mots qui sont amenés. Bon, on parlera de satellite plutôt que de lune, bon, etc. À des satellites naturels, évidemment, parce que les sites sont artificiels. Alors, c'est pas nécessaire d'avoir un vocabulaire extrêmement élaboré. Le vocabulaire élaboré va être utile devant des gens qui ont un vocabulaire élaboré. Si on l'utilise par rapport à soi ou par rapport à une relation qu'on a entre son esprit et son ego, si on se parle verbalement. Bon, on va être clair, déjà, on n'a pas de relation entre son esprit et son ego. Non. Mais il n'y a personne qui a ça, toi non plus, moi non plus. Qu'est-ce qu'on fait quand on se parle? On parle à qui? Et qui parle à qui? Quand on se parle seul face à un miroir ou dans sa bouche? Quand on se parle, on se parle pas. On parle à qui? On s'écoute parler. Qui parle? Ben c'est ça, ça peut être l'ego, ça peut être l'esprit. Ce que je veux simplement qu'on comprenne, c'est que l'être humain n'arrive pas encore à mettre dans sa psychologie, en pratique, des choses qu'il connaît ou qu'il sait. Bon, alors es-tu l'ego ou si tu es l'esprit? Actuellement l'ego. Bon. Alors, si tu es l'ego, tu ne peux pas observer une relation entre ton esprit et ton ego. Parce que si tu observes quelque chose entre ton esprit et ton ego, c'est que tu es ni l'esprit ni l'ego. Qui es-tu? L'observateur. Ouais, c'est qui? Un autre. Et l'esprit ou l'ego? C'est une bonne question. Ouais, moi, j'aurais une bonne réponse. C'est ni un ni l'autre. C'est l'observation de l'esprit par l'ego. La mémoire du passage d'esprit ou de... Oui, c'est simple, ça. C'est dit là, non? Ah oui, c'est simple. As-tu compris? Ça, c'est pas une parole énergétique. De toute façon, tu le sais, parce que tu n'arrives pas à t'instruire toi-même de mécanique. Vous devez vous instruire vous-même. Ça veut dire que vous devez être capable de parler à un ou à l'autre. Soit que c'est mon ego qui parle à Dieu, qui parle à l'esprit, qui parle à moi présentement, soit que c'est moi ou soit que c'est l'esprit qui, à un moment donné, parle à l'ego. C'est sûr que l'esprit peut parler aux égos des autres, et mon ego peut parler aux égos des autres, et mon ego peut parler aux esprits des autres. Mais normalement, si mon ego parle aux esprits des autres, les esprits vont se pousser. Les gens ne vont pas m'écouter. Puis normalement, un ego, ça attire toujours un ego dans une communication. Alors, si je suis suffisamment transparent, suffisamment pur quand je parle à un ego, normalement, c'est son esprit qui va venir me parler. L'ego ne pourra pas monter la surface. Bon. Quand on parle de parole énergétique, on peut parler évidemment d'une parole qui va permettre une colère mentale, qui va permettre, par un processus technique, de crier, hein, de dire certaines choses pour faire un trou autour de nous au niveau des manipulations astrales, ce qui va aider. Un exemple. La mère qui, à un moment donné, en aura le bol de se faire manipuler par ses enfants, à un moment donné, ou le père, à un moment donné, il lâche un gros cri, puis il gueule un peu. Qu'est-ce qui arrive? Les enfants se poussent. Là, il y a la paix. Dans l'astral, c'est la même chose. Parce que l'astral, ça fonctionne exactement comme les psychologies animales ou humaines. C'est la même chose. L'astral, ça a peur. Souvent, les gens vont dire, « Ouais, mais moi, j'ai peur, par exemple, des fantômes. J'ai peur des possessions. J'ai peur de quand j'entends des bruits dans la maison. » Hein? La chasse d'eau d'une des toilettes chez nous, on a trois toilettes, là il y a une des chasses d'eau qui passe seule de temps en temps. Ah, c'est un esprit qui est propre, peut-être qu'ils font le ménage, de rentrer tout, coup, puis ils partent la chasse d'eau de temps en temps, puis ça, bon, ma femme m'a demandé d'être intriguée un peu, mais c'est Aucun problème. C'est parfait. Quand l'aspirateur va commencer à se poser tout seul, les gens vont paniquer. Moi, je panique pas. Moi, j'écoute la télévision. Puis. Chez nous, ça doit être des esprits tapageurs parce qu'il y a du bruit tout le temps. Ouais, mais vous avez des enfants aussi, c'est un esprit tapageur. C'est pour ça, là. Mais ce qui va arriver, c'est qu'on doit comprendre que les mécaniques qui manipulent l'humain sont des mécaniques qui sont associées à l'humain, hein, à l'homme, à la femme et à l'enfant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au niveau du monde astral, si nous, on est capable d'avoir peur au niveau psychologique, le monde de la mort a peur. Si nous, on est capable d'être positif, ils sont capables d'être positifs. Si nous, on est capable d'être jaloux, ils sont capables d'être jaloux. Si nous, on est capable d'haïr, ils sont capables d'haïr. Si on est capable d'aimer, ils sont capables d'aimer. Bon, alors à un moment donné, avec une parole, disons, énergétique, la personne va faire une colère mentale, comme une colère au niveau des enfants, mais normalement, c'est des colères émotives qu'on va faire, et ça donne quand même un résultat. Alors, si on a une colère mentale, on va émettre suffisamment d'énergie par la parole, et normalement, les enfants vont s'éloigner. Si c'est des problèmes financiers, ou encore on dort mal le soir, ça fait 2-3 semaines qu'on n'arrive pas à dormir convenablement, à un moment donné, on se lève dans le lit et on gueule un peu. C'est sûr que quand on reste en bloc appartement, il ne faut pas se gueuler trop fort, parce que le voisin en haut va venir gueuler. Une personne, elle faisait ça dans son bain. Elle se mettait la tête dans le bain et elle gueulait. Elle s'est noyée. Elle a fait plus de bruit, elle a fait plus de colère. Elle manquait d'air, elle voulait qu'on s'est placé. C'est ça. Mais si on doit comprendre... C'est quoi la nuance entre une colère mentale et une colère émotive? Une colère émotive, c'est que tu ne peux plus contrôler la fin de ta colère, souvent. Tu ne peux pas contrôler non plus l'état de ton corps physique une fois que tu arrêtes ta colère. Tu es tout transpirant, ton cœur bat à une vitesse intéressante pour les médecins. Et puis, tu as dit plein de choses qui, finalement, n'allaient pas là-dedans. Ton centre laryngé n'est pas centré convenablement. La personne, elle crie... Le centre laryngé est avancé en avant. Une autre personne a crié différemment. Ouais, là, là, là! Le centre laryngé, il reculait en arrière. C'est pas centré. Il n'y a pas de puissance là-dedans. La personne qui va simplement, à un moment donné, dire... C'est assez! Là, le centre laryngé est beaucoup plus équilibré. Alors, on a une parole énergétique. Dans une colère émotive, normalement, le centre laryngé est déphasé vers l'avant ou vers l'arrière. Et en plus, la phraseologie, les mots que la personne va employer, sont des mots qui ont uniquement une saveur émotive en fonction d'eux-mêmes. Je suis écœuré, vous, que vous me veniez m'achaler. Bon, on parle à l'astral, par exemple. Je suis écœuré, je tenais. Bon. Je suis tanné, je suis écœuré, je suis ci, je suis ça. C'est un peu comme si vous allez voir votre ennemi et vous lui dites écoute, j'ai mal aux genoux, là, fait que cesse de taper là, puis en plus, là, je t'écœuré de voir la face, là, je te trouve laid. Fait que c'est sûr qu'il va t'envoyer des photos. Il va te taper dessus encore. Puis il va continuer de taper sur son genou. Quand on fait une colère mentale, au lieu de faire un défoulement émotif, ce qui donne quand même un résultat, mais c'est pas long. Hein, quand on parle, par exemple, au niveau des enfants, bon, si on crie un peu, ils s'éloignent. Hein, on a la paix une heure ou deux, dépendant, c'est teflon, puis une journée ou deux, ils sont pas teflon. Et puis, ce qui va arriver, c'est que progressivement, ils vont venir recommencer à faire le petit bébé, puis lentement, on s'en rend pas compte. Hein? Et puis, à un moment donné, on est pris dans le même tourbillon. Dans une colère mentale, ce sera la même chose, sauf que la personne, elle devra parler aux enfants, donc elle devra parler à l'astral plutôt que de se plaindre aux enfants ou de se plaindre à l'astral. T'sais? Si vous vous fermez pas, je vais vous mettre dans votre chambre. Plutôt que, fermez-vous là, je te carré de vous entendre parler. Mais ça va continuer à parler. Le moment où la personne commence à dire aux autres ce qu'elle va faire ou à donner des ordres, là, ça commence à être opérationnel. Au niveau de la colère mentale, c'est donc au niveau de l'astral qu'on va le faire. Il y a une personne, par exemple, qui a de la difficulté à se lever, qui a de la difficulté à penser, qui réussit, par exemple, à tout apprendre à l'école, mais qui coule toujours ses examens. C'est une personne qui est manipulée d'une façon quelconque. Dans une colère mentale, la personne elle peut même préparer son texte avant, mais il ne faut pas qu'elle le lise, il ne faut pas qu'elle le répète, il faut qu'elle le prononce, c'est une nuance. Alors, dans une colère mentale qui est bien faite, normalement, ben, ceux qui en font une ont un trou temporel qui s'ouvre devant eux. Ils ont 2, 3, 4, 5 jours, une semaine, un mois à avoir la paix au niveau des manipulations. Bon, l'avantage d'avoir la paix, c'est que si on est en train, par exemple, de réformer quelque chose chez soi, puis qu'on s'est toujours tapé dedans, ben, on fait la paix pendant une semaine, pendant peut-être 3-4 jours, pendant une semaine ou 2 semaines. Et puis pendant ce temps-là, ben évidemment, on peut pas qu'on se repose, mais après ça, on va recommencer à être au même prix. Ça donne le temps de faire un mouvement. Ça te donne le temps, justement, de dire à quelqu'un, écoute, la famille, ça va extrêmement mal, là. Tu vas faire une bonne colère mentale. Puis après ça, quand tu vas rencontrer les gens de la famille, ça va mieux. Puis on a fait un espace astral autour d'eux. Puis là, on peut dire, écoutez, on aurait à se parler. Moi, je trouve ça niaiseux qu'on puisse plus se parler. Puis les gens vont être plus réceptifs à l'affaire. Ça nous donne quelques temps pour être capable d'aller recréer des contacts, pour aller recoudre un peu le tissu familial ou le tissu amical, ou etc. Ça a un avantage, là. Quand ça fait un trou dans l'astral, comme tu dis, est-ce que ça fait un trou dans l'égrégore qui est rattaché directement à la personne, ou si c'est à la famille ou à l'organisme? Normalement, c'est dans l'atmosphère astrale autour d'une personne. Ça veut dire qu'il y a des vents astraux. Par exemple, il y a des journées où tout le monde est excité. C'est un vent astral qui arrive dans une collectivité, puis ça excite tout le monde. Tu mets à crier là-dedans, tu vas faire un trou, là. C'est un peu comme si tu dissolvais une partie du nuage, puis il ne pleut plus sur toi. Mais c'est pas nécessairement, dans une colère mentale ordinaire, c'est pas nécessairement en relation avec ta propre psychologie, ton propre ego, ton propre canal réincarnationnel, ou disons les mécaniques qui te dirigent par en dedans. C'est pas nécessairement avec ça que tu vas faire affaire, mais c'est surtout avec l'atmosphère extérieure. Maintenant, ce qui arrive, c'est que très souvent, quand on parle de parole en fonction de dire à quelqu'un quelque chose, de contrôler un événement, de contrôler un objet, parce qu'on peut faire du tout des nuages, c'est facile à le faire par la parole dans la tête ou par la parole vocale. Mais il y a une utilité encore plus intéressante à la parole énergétique. Plutôt que de contrôler autrui ou de s'en servir, par exemple, pour être vendeur ou vendeuse ou pour être pédagogue ou etc., la parole énergétique, elle a une puissance encore plus intéressante quand on la retourne vers soi. Bon, très souvent, on va parler de cette mécanique-là, toujours en fonction de contrôler autrui, ou par exemple, vous allez dans le métro, puis il y a un quêteux ou une quêteuse qui vient vous voir, ça ne vous tente pas de la voir, puis vous lui dites « Arrière !» Ça décolle tout de suite. C'est intéressant. Mais ce qui va arriver, c'est que très souvent, avec notre parole qui, si on est sauvage, si on est mal pris à l'intérieur, on va repousser à peu près tout le monde. Mais à travers ce qu'on va repousser, il y a des gens qui auraient été avec qui nous, on aurait intérêt à communiquer. Bon, ça peut être avec les enfants, ça peut être avec les parents, hein, ça peut être avec les personnes avec qui on travaille. La parole énergétique, il ne faut pas qu'elle serve à développer l'ego chez l'humain. Autrement dit, il ne faut pas qu'elle serve à égoïser l'humain. Parce qu'une personne qui est faible psychologiquement, à un moment donné, on peut lui montrer à avoir une parole, un centre laryngé plus centré. Donc, elle va commencer à être capable d'exprimer du mental à travers sa parole. Donc, elle se dirige vers une parole énergétique. Mais là, ce qui va arriver, c'est qu'elle découvre du pouvoir. Elle découvre le pouvoir qu'elle peut avoir sur autrui ou sur les choses. Et ça va l'égoïser. Et l'égoïsation, c'est l'inverse de la négoïsation. L'égoïsation, c'est on grossit l'ego. Donc, on va grossir finalement le centre d'attraction vers soi-même, l'égocentricité. On va grossir l'orgueil. On va grossir finalement la bête chez l'humain, le virus, l'anti-homme. Donc, si on en abuse, ça peut se révéler contre les autres finalement. Il ne faut même pas en abuser. C'est l'ego qui l'use. Pas nécessairement qui l'use mal ou qui l'use trop, qui s'en sert. Ça sert contre nous autres. Bon, pourquoi? Parce qu'on n'a pas besoin d'une parole énergétique dans le sens puissance mentale de frappe quand on parle avec quelqu'un. Si par exemple, je m'entends mal avec une personne ici dans la salle, donc on sort à l'entracte, la personne est toute, bon, elle sort sa tête, c'est les cheveux qui la traînent, bon, elle est renversée, là, sans rien, bon. Et puis, elle gueule. Si moi, je prends une puissance énergétique pour parler avec elle, tout ce qui va arriver, c'est que je vais me protéger, je ne pourrai pas me toucher. Mais je ne pourrai rien régler au niveau humain. Alors, ce qui fait que la personne, elle s'en va, puis elle continue à s'identifier, hein. Les sinistres individus dominés par l'astral, c'est ceux qui font du sida. Alors, elle continue à s'identifier, et puis elle parle contre moi, elle pense contre moi, elle fait des choses contre moi. Puis nécessairement, ça, à la longue, ça va créer une espèce de petit nuage qui, à la longue, en cumulation avec ceux qui m'auront détesté, ça va finir par créer un petit nuage qui va commencer à me pleuvoir sa tête. Bon, puis c'est ce que tout le monde en a un petit peu, parce que ce qui va arriver souvent, c'est qu'on a des problèmes toute notre vie avec tout le monde, et puis on ne règle jamais aucun problème avec personne. C'est un des gros karmas que l'humain a. Bon, alors c'est la meilleure chose pour éliminer ça, c'est sûr que tu peux faire une colère mentale, ça casse un peu le nuage il revient après. La meilleure chose normalement, c'est de rencontrer les individus avec lesquels on a eu des problèmes, puis de régler ça ensemble. Il y a juste l'humain qui peut régler ça. À ce moment-là, est-ce que le nuage se décompose au début? Le nuage se décompose quand on règle les choses avec les individus. Bon, maintenant la parole énergétique, employée d'une façon ascensionnelle, d'une façon conscientisante, c'est une parole qui va surtout servir pour nous-mêmes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si une personne, par exemple, m'agresse au niveau de la parole, eh bien, au lieu de parler à elle, moi, je vais m'arranger simplement pour contrôler ce qui se passe chez moi par une parole énergétique mentale. Je peux aussi le dire par ma parole à moi-même. Et progressivement, je vais être capable d'être suffisamment puissant. Je n'aurai pas de pouvoir dans la parole. J'aurai de la puissance dans la parole, puissance énergétique. Et là, je vais être capable d'aller chercher les parties de l'individu qui sont suffisamment contrôleuses de l'individu pour ramener la personne dans sa centricité. Ça veut dire, autrement dit, pour la replacer debout sur ses deux pieds. Stabiliser. Oui, la ramener debout. Autrement dit, qu'est-ce que ça veut dire en termes poétiques? C'est plus simple. Si vous êtes capable de vous parler, vous pourrez parler à n'importe qui. Voilà, ça. C'est pas compliqué tellement. Un grand détour pour dire ça. Ouais, mais c'est parce que les gens sont loin. Si on se parle, ben, un détour, si on est capable de se parler, on est capable de parler à n'importe qui, mais comment on sait si on est capable de se parler? Est-ce que c'est par notre pensée, par notre parole, tu as parlé, tu as déjà dit qu'on peut se parler dans notre tête, c'est différent de penser dans notre tête. Mm-hmm. Est-ce qu'on doit apprendre à se parler dans notre tête d'abord ou se parler verbalement? Bah, c'est plus facile de commencer à se parler verbalement pour être capable d'arriver à faire la différence entre la pensée et la parole dans sa tête. Parce que souvent, les individus pensent. Mais je le dis toujours, si vous êtes capable d'arrêter de penser, vous ne pensiez pas, vous parliez. Si vous n'êtes pas capable d'arrêter de parler et que vous ne parlez pas, vous pensez dans votre tête. Comme il y a des personnes, à un moment donné, qui vont parler avec vous. Hein? Puis là, vous dites, eh, mais j'ai pas fini. Puis là, parle. Minute, là, parle. En réalité, elle ne parle pas, elle pense avec sa voix. Elle pense avec sa bouche. Ça fait qu'elle ne peut pas arrêter de parler. Pourquoi? Parce que c'est sa pensée qui traverse sa bouche, son centre de laryngé qui communique. Autrement dit, au lieu de penser dans sa tête, elle pense dans votre tête, elle pense dans vos oreilles. Bon. Et des personnes, justement, c'est. Bon. Puis comment ça a été à la banque? Ah, la banque! Hey, premièrement, mon chat n'a pas parti. Puis là, il va, puis s'en va de même, puis s'en va. C'est pas du coq à l'âme qui a fait. C'est-à-dire que si tu l'arrêtes, tu bloques complètement à ce moment-là. Toi, il est capable de m'arrêter. Ça va se perdre. Je sais que je suis capable d'arrêter, tu es capable de recommencer même cas si tu étais rendu. Mais dans l'exemple que tu donnes, une personne qui parle, ben, tu n'es oui, pas capable. Non. Elle va se perdre dans le fil de quelque chose. Oui, pourquoi? Parce que c'est sa pensée qui est exprimée par son centre laryngé. Donc, cette personne-là ne vient pas vous parler, elle vient vous penser. Et c'est ce qui va arriver souvent qu'une personne qu'on appelle, disons, une personne qui a besoin d'énergie, hein, une personne qui est atteuse un petit peu, la personne, elle vient vous voir, puis elle veut chercher des conseils, puis vous lui donnez des conseils, mais elle ne t'écoute pas. C'est sûr, elle ne peut pas écouter parce qu'elle n'est pas en phase de parole. Elle ne parle pas, donc elle ne peut pas écouter. Elle pense. Et dans la pensée, on n'écoute pas. Dans la pensée, on défile les choses. Alors, comme je disais souvent, la personne, elle n'écoute pas ce que je dis, elle écoute ce qu'elle va dire. Bon, elle pense, elle n'écoute pas, elle est déconnectée. Alors, ce qui fait qu'il y a une grosse nuance, il y a des personnes qui ne parlent pas, mais qui pensent tout haut. Et souvent, quand on rencontre des gens, les gens ne nous parlent pas. C'est pour ça qu'il n'y a pas de communication. On pense ensemble, on pense à haute voix. Alors, si je parle, par exemple, haineusement à quelqu'un, je ne parle pas. Je pense à haute voix. Exactement comme la personne n'est pas là, puis là, je me dis, oh, cette personne-là, ça pourrait être une gagnante. Bon, quand je la rencontre, tout ce que j'ai pensé, je suis capable de le dire. Parce que c'est pensé une fois, c'est plus utilisable une autre fois. Et si, par contre, quand je la rencontre, je commence à déblatérer sur elle, ben c'est de la pensée. Et souvent, on va dire, c'est oui, mais les paroles, mes paroles ont dépassé ma pensée. C'est mal dit. Mes paroles ont dépassé la volonté de ce que je voulais dire. Ou mes paroles ont simplement communiqué quelque chose qui ne me regarde pas. Je pensais tout haut, mais je n'étais pas là pour parler. Donc, la personne qui va parler, une personne qui aura la capacité de s'écouter dire ce qu'elle dit, ce fait que déjà là, quand elle va dire des choses qui n'ont pas de sens, ou que c'est pas ça qu'elle veut dire elle-même, elle va être capable de rectifier. Elle va développer une parole de plus en plus juste. Et progressivement, la personne, quand elle va parler, mais pas nécessairement avec quelqu'un d'autre, on doit se parler à soi-même. La personne, en parlant tout haut, elle va être capable progressivement de discerner chez elle quand elle pense à haute voix ou quand elle parle à haute voix, de quand elle pense dans sa tête et quand elle parle dans sa tête. Bon, je pourrais vous faire parler ici, puis on pourrait s'amuser un petit peu. Pourquoi on est gêné de se parler? Mais c'est gênant de se parler. Parce que c'est gênant. Ben oui, parce que les structures involutives qui ont été implantées dans la conscience astrale, dans la conscience psychologique de l'humain, il y a quelques millions d'années, on fait comprendre à l'humain que si tu parles tout seul, tu es fou et tu es folle. Ben, il faut parler à quelqu'un d'autre. On regarde tout le temps, c'est pas quelqu'un qui s'en vient. Ben, je connais quelqu'un, moi, qui a un téléphone cellulaire, un main libre. Puis quand quelqu'un l'appelle, il fait pas du main libre parce qu'il a peur que le monde pense qu'il est fou, il parle seul. Fait qu'il prend son cabinet, puis des fois il veut se parler, il prend son cabinet pareil, il est pas allumé, puis il parle. Ben là, j'appelle pas dans ce temps-là, ça coûte moins cher. C'est ça. Mais ça, mais ça revient encore au plus gros frein de l'évolution, la peur d'être jugé par autrui, même si c'est personne. Hein? Ça, c'est... Pourquoi? Parce qu'on se juge. Mais c'est vrai que c'est gênant. Mais non, c'est pas gênant. Ben, t'arrives à l'humain, tout le monde te regarde dans le dos. Ouais. Surtout quand je me fais une crise. Mais ça dépend comment l'ego est bâti, parce qu'il y en a d'autres qui font exprès pour faire semblant de parler. Ils vendent des antennes chez Canadian Tower, des antennes qu'on colle en arrière, là. Tout le monde pense qu'il y a un téléphone cellulaire. Bon, tu sais, puis une fois sur deux, tu reviens, t'as fait décasser, puis le gars, il écrit, maudit, il n'y a pas de téléphone dans le dos, il voulait voler le téléphone. Puis là, il y a du monde qui s'en va, qui parle comme ça, main libre, tu sais, ils baissent leur pare-soleil, le cache-soleil, puis ils parlent. Ils n'ont pas de téléphone. Ils veulent que tout le monde les regarde, tout le monde les regarde, tout fier. Je suis riche, tout le monde me regarde. C'est le fait comment les égos sont bâtis. Ouais. L'ego du riche, il se cache. Il est tout gêné de penser que le monde est fou. Puis l'ego du pauvre, il dit, hey, le monde pense que j'ai un téléphone cellulaire dans mon char. Mais les deux font la même affaire, sauf que c'est une perte d'énergie des deux côtés. Pas pour la même raison, mais. Oui. On doit apprendre à être soi-même. Vous avez à parler, parler. Bon, c'est tout. Ils vont penser que vous êtes fou. De toute façon, hein. Bon. Ils vont savoir. Ah. Puis toi, c'est un égo, tu vas dire, de toute façon, c'est eux autres qui sont fous. Tu sais, puis c'est amusera bien. Mais ce qui est important, c'est d'être soi-même, puis de... On doit... Comprenez, on ne doit pas se foutre de ce que les autres vont penser ou ce que les autres vont faire. On doit être détaché de ce que les autres vont penser. C'est différent. Ce qui fait que si on s'en fout pas, on est capable de respecter l'écosystème autour de soi, mais on doit être détaché pour ne pas être totalement le jeu et le jouet, finalement, des pensées d'autrui. Puis eux-mêmes ont une pensée manipulée par le phénomène collectif. La parole énergétique, elle doit servir pour nous-mêmes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on doit apprendre à se parler. Ça veut dire quoi? Ça veut dire des choses. Apprendre à se parler, ça veut dire qu'on doit être capable maintenant d'obliger chez soi la naissance de ce que j'appelle souvent le maître contrôleur, hein, la capacité qu'on a nous-mêmes de savoir les choses et de contrôler. Ça veut dire que tu conduis un petit peu trop vite, puis là tu veux ralentir. Mais là, tu ne peux pas ralentir. Parce que le gars tout à l'heure en avant aussi, il t'a coupé, puis elle roule, puis toi, tu colles aux fesses. Ou encore parce que tu arrives dans une espèce d'entonnoir, tes deux voies, ça se ferme en une voie. Puis là, toi, tu roules sur la voie de droite pour permettre à celui qui s'en vient de passer. Puis quand il approche, ça t'accélère pour aller l'écraser. Tu sais, on empêche de passer à la dernière minute. Et puis, en même temps, tu vis un stress, tu vis un paquet d'affaires. Et là, tu aimerais cesser ça. Mais cesse-le, tu n'es pas capable. Ça va être la pédale à continuer, lui-même manipulé. Là, c'est le temps de commencer à te parler. Et pas dans ta tête, c'est le temps de parler à haute voix. Mais c'est quoi parler à haute voix? C'est pas encore de faire une parole émotive, c'est « Tiens, maudit que c'est niaiseux ce que je fais là, c'est pas ça. » Ça va être « Daniel, ralentis, laisse-le passer. » Là, je vais avoir suffisamment, subitement, de puissance pour relever le pied d'accélérateur. Mais immédiatement, ça va repousser dessus. Puis là, je recommence encore. Laisse-le passer, ôte ton pied de la pédale. Et tu l'autres. Puis là, l'ego est tout frustré en dedans pendant que le gars passe, il est tout fier de son cou, il a réussi à t'avoir, il s'en va, bon. Puis toi, là-dedans, après ça, tu continues. Relax, t'as pas à te frustrer, relax, calme-toi. Bon, l'humain doit se parler. Ça va être la même affaire, on va rencontrer quelqu'un, puis on a les mains toutes mouillées, là, tu sais, bon. Tu sais, dans ce temps-là, ce que vous faites, vous prenez votre parapluie, c'est la meilleure chose. Vous dites qu'il pleuvait dehors. Bon, ça explique les mains mouillées. On a les mains mouillées, on a peur, on a un stress, on a n'importe quoi, il faut que la personne arrive à se parler. Les personnes, souvent, ce qu'elles vont dire, ça c'est extrêmement important, ça serait ton cas d'ailleurs, c'est que tu ne le diras pas oralement, tu vas dire, on va le dire mentalement, ça va être suffisant. Si on n'est pas capable de le dire oralement, c'est qu'on est déjà tellement manipulé à ne pas être capable de parler qu'on va essayer de se le faire à croire ou ce qu'il ne faut pas. Bon, c'est quand on parle de paroles énergétiques, c'est extrêmement important de commencer par la voix. Ça serait l'ego, là, son là qui nous aurait. Exactement. Exactement. Mais comment tu fais pour savoir que quand tu le dis verbalement, c'est pas l'ego? Comme dans l'exemple que tu dis, Daniel enlève son pied d'accélérateur. Ça peut aussi, à un moment donné, être l'ego qui utilise cette mécanique-là. Oui, mais on s'en balance. Tu as la raison que l'important, c'est que... Non, c'est pas ça. C'est que l'important, c'est que présentement, tu as une attitude qui est toujours, par exemple, de t'arranger pour écraser quelqu'un dans un entonnoir ou encore toujours couper ou pas te faire dépasser. Puis à un moment donné, ben, y a une grosse perte d'énergie là-dedans. On parle pas uniquement au niveau pollution, mais on parle d'énergie humaine. En vu qu'il y a une perte d'énergie là-dedans, l'autre secret nourrit le monde de la mort. Toi, tu es là, tu nourris le monde de la mort, bon, on perd carrément nos énergies. Quand tu arrives à la maison, tu es fatigué d'avoir conduit. Puis qu'on le sache ou qu'on s'en rende compte ou pas, on est fatigué d'avoir conduit. Alors, ce qui va arriver à un moment donné, c'est que puis le corps physique finit par s'user aussi, donc on peut finir par être malade. Alors, ce qu'on doit faire, c'est s'arranger pour casser l'habitude. C'est ton ego qui décide de la casser, tant mieux travailler pour toi. Mais ce qui est important, c'est de développer une parole énergétique pour te placer. Bon, regardez bien ceci. Souvent, quand je dis aux personnes qui sont manipulées, puis c'est pas eux qui contrôlent le vie, puis il n'y a pas un seul qui décide s'il se lève ou s'il se lève pas, ça frustre souvent les personnes. Mais ceux qui ont fait ce séminaire, ils comprennent un peu plus, hein? Ils n'affectent pas encore suffisamment, mais ils comprennent un peu plus. Alors, ce qui arrive, c'est que si, bon, on parle aux personnes, bon, vous êtes manipulés, puis les personnes, ils disent, ben oui, non, ça n'a pas d'allume. Alors, moi, je peux, par exemple, poser une question à quelqu'un. Regardez bien, je vais choisir une personne ici, je vais poser une question qui. Bon, je ne dis pas question parce qu'il est en réponse. Au hasard. La question n'est pas au hasard, la personne. Alors, on va la prendre. Bon. Il y a déjà des personnes qui commencent déjà à réagir à ce que j'ai dit. Puis, je n'ai rien fait encore. Bon. Il y a des personnes qui ont peur d'être choisies déjà. Et là, on pose la question, est-ce que c'est intelligent que vous ayez peur d'être choisi? Ben oui, mais c'est normal, c'est peut-être normal. Est-ce que c'est intelligent? Puis même manipulé. Il ne s'est rien passé encore et déjà il y a des. Bon, maintenant, parce que j'ai dit ça, il y en a un mec qui se calme un petit peu. Bon. Mais il m'a l'air choisi la personne. Attention. Non, maintenant, il faut qu'on aille jusqu'au bout. Bon. Tu es choisi juste là-bas, hein? Ben, j'allais choisir lui, ben voyez-vous. Bien, c'est ça. Mais en regardant, OK, je vais prendre quelques personnes ce soir, puis on va parler un petit peu ensemble. Et ce qu'on voit déjà là, je peux prendre par exemple un jeune, évidemment. J'ai demandé ce qu'il pense de super assez, mais bon. Bon, il a déjà réagi, il remonte sa chaise, il regarde son frère, ouais, ça va pas très bon, mon ami, bon. Ce qu'on doit comprendre, c'est qu'on est toujours intimement manipulé. Et on va dire, l'ego va venir nous dire, c'est normal, c'est correct, oui, mais c'est sûr. C'est pas comme ça qu'on doit fonctionner. Hein? Une personne embarque dans une automobile, va prendre l'autoroute métropolitaine, puis elle se dit tout le temps, elle est toujours nerveuse quand elle monte là-dessus. Elle va me dire, bon, mais c'est normal, il y a bien plus de taux là-dessus, puis ça roule bien plus vite. On a quand même préféré prendre des petites routes. L'humain est manipulé. Si l'humain est manipulé, l'humain doit développer des mécaniques qui vont faire en sorte, à un moment donné, qu'il sera plus manipulable. Bon. Quand je parle plus manipulable, ça veut dire que si je décide, par exemple, que je veux parler à telle personne ou à telle personne, etc., ben, il faut que quand je choisis cette personne-là, qu'il ne se passe absolument rien chez elle. Le fait d'utiliser une parole énergétique pour soi-même va faire en sorte que, progressivement, on va être lucide, qu'on va être limpide, c'est-à-dire que et quand il y aura des perturbations extérieures, ça ne dérangera plus ce qui se passe chez nous. On aura une conscience qui sera calme, calme, calme. Chaque fois, bon, je dis simplement à quelqu'un, tiens, on va jaser tous les deux. Là, c'est comme si tu venais de lancer une roche dans l'étang de ta conscience. Pouf, il y a plein de remous là-dedans, ça se promène un peu partout. Bon. Mais maintenant, si je dis, pourriez-vous vous lever? Faites-le pas, mais pourriez-vous vous lever? Là, c'est comme si tu venais de lancer un bateau là-dedans. Là, ça se met à brasser de tous les côtés. Une personne va dire, oui, mais c'est normal. C'est pas confortable, c'est pas agréable, ça va être normal. Normal, ça veut dire que tout le monde a un étang dans lequel on peut lancer des roches. Mais ce qui est intéressant à un moment donné, c'est quand tu lances une roche dans l'étang, elle rentre dans l'étang, elle disparaît là-dedans, puis se passe absolument rien au niveau de l'étang. Là, la personne, elle est elle, puis elle va rester elle, et puis ça va être beaucoup plus agréable pour toute sa vie au complet. La parole énergétique, elle aura l'avantage d'être capable de conserver le calme au niveau de la conscience dans des événements particuliers, puis progressivement, ça va se faire sans qu'on ait besoin de régir l'affaire. On va rester calme. En plus, la parole énergétique est capable de vous guérir. Mais qu'est-ce que c'est? Comment on se guérit, par exemple, physiquement? Hein? On t'en parle un petit peu, parce qu'il y a beaucoup de personnes ici qui sont malades. Imaginons une hypothèse qu'on a des problèmes d'estomac ou de digestion. Oui, mais il y en a qui ont des migraines aussi, puis il y en a qui ont des problèmes de coude, puis il y en a qui ont des problèmes d'épaule, puis il y en a qui ont des problèmes de foie, puis il y en a qui ont des problèmes de menstruels. Puis il y en a qui ont des problèmes de vision, etc. Il bon, faut cerner le problème en parlant? Non, c'est pas nécessaire de cerner le problème en parlant. Voyez-vous, la médecine accepte les maladies psychosomatiques, mais refuse les guérisons psychosomatiques. Fait que, évidemment, c'est une aberration, parce que ça marche dans un sens, ça marche dans l'autre sens aussi. La parole énergétique, c'est que, disons, tu as mal à ta cheville. Alors, à un moment donné, tu vas t'asseoir, tu vas frotter ta cheville. Qu'est-ce que c'est, frotter sa cheville? Bon, on sait que c'est frotter sa cheville, là, mais qu'est-ce que c'est? D'instinct, les personnes, quand ils ont mal quelque part, ils vont porter leur main sur la douleur. Est-ce que ça calme la douleur, ça fait rien ou ça l'amplifie? Ça calme. Une personne qui donne un coup de marteau sur le pouce, elle a le choix de le mettre dans la bouche, de souffler dessus ou de le tenir. Là, je parle pas de son ego. Ouais. L'ego, il chiale, il se lance, L'ego, lui, il voudrait le mettre dans la bouche, puis ça crée en même temps. Là, il se mord en plus, c'est normal. Hein? Pourquoi on fait ça? Mets dans la bouche de l'autre, puis tu sais. Ah, ben c'est ça. Ben là, tu mets dans la bouche, tu mords le sacré. Pourquoi on fait ça? Pour la simple raison que le corps humain a un corps vital. Le corps vital dégage une énergie que les gens appellent le magnétisme souvent. Puis en mettant la main ici, je vais immédiatement magnétiser la douleur, puis nécessairement, j'anesthésie la région. Le souffle, l'eau sont des grands conducteurs d'énergie vitale, ce qui fait qu'en le mettant dans la bouche, déjà je vais calmer, en soufflant dessus, ce sera la même chose. Comme par exemple les mères qui pensent tromper leurs jeunes en disant à ces gars bobos, là, t'as plus bobo parti, t'es. Et bobo, il s'en va aussi. Bon, plus l'enfant est réceptif, plus ça fonctionne. Puis l'enfant, quand il devient adolescent, à un moment donné, il ne croit plus à rien de ça, puis il est plus réceptif, puis quand il devient adulte, ben là, il rit de ça. Bon. Becquer bobo, tu sais, donner un bec, c'est le bobo. Qu'est-ce que c'est qu'un bec? Bon, Vous êtes peut-être jamais allé dans des pays très sous-développés ou en voie de sous-développement. Moi, j'ai visité certains pays comme ça, puis en Amazonie, entre autres, on peut voir des personnes qui vont guérir en donnant des grands becs. Bon, t'as mal à l'estomac, lui, il se met à la bouche, ton estomac, puis il aspire. Il aspire le mal, il crache, tout le monde se tasse, c'est bon. Ouais, il ne peut pas attraper la maladie. La malaria. C'est quoi un bec? Un bec, c'est une suction. C'est un têtage. Quand tu embrasses quelqu'un, c'est parce que tu veux têter de son énergie. Hein? Les embrassades, tu sers à ça. Je parle des embrassades ordinaires. Je parle pas des manchus, là. Bon, la gymnastique. Bon. Mais les embrassades ordinaires. Alors, quand on dit béquer bobo, c'est exactement ce que tu fais. Tu ramasses simplement le peu de douleur que l'enfant a. Puis s'il est vraiment mal, ça marche pas parce qu'on becque pas assez. On n'a pas la technique. Ce qu'on doit comprendre, c'est que si j'ai mal à la cheville, je frotte ma cheville. En frottant ma cheville, qu'est-ce que je fais? Je lui donne de l'affection. L'affection, c'est une communication énergétique. L'humain, on finit par toujours par vouloir scientifiser tout ce qui existe. L'amour, c'est pas scientifique. Ça peut guérir. Bon, le moral, ça peut guérir. Puis maintenant, c'est évident qu'il y a des médecins qui savent très bien qu'ils ont commencé surtout à s'en rendre compte au niveau des enfants. Parce que, émotivement, le personnel était plus frappé par les problématiques infantiles. Ben, quand je travaillais à Sainte-Justine, ben, à un moment donné, on est passé des uniformes blancs traditionnels aux uniformes bleus, verts, jaunes, blancs, si tu veux. On commençait à colorer les murs parce qu'ils se sont rendus compte que le blanc qui donnait l'impression que c'était propre, ça ne guérissait pas fort. Il fallait que ce soit propre, mais ce n'était pas nécessaire que ce soit blanc. Donc, il y avait besoin de relations humaines. La relation humaine, elle est importante parce qu'il y a une dose d'énergie qui est transférée. Il y a un médecin, à un moment donné, qui me disait... Tu sais, le médecin, il pense la plaie. C'est Dieu qui l'a guéri. On peut définir Dieu comme on voudra, mais c'est évident qu'il se passe quelque chose. Quand je frotte ma cheville, si je le fais d'une façon particulière, par exemple, maudite cheville, torieux, ça fait appeler, vous allez voir qu'elle va continuer à faire mal. Et il y a une autre personne qui va commencer à la frotter en pensant à d'autres choses, elle se la masse doucement, puis elle connaît rien du massage, puis lentement la douleur s'en va. Là, le magnétisme est beaucoup plus puissant parce que la personne, elle est capable de donner et parce qu'elle est réceptrice à ce qu'elle se donne. Bon. Mais maintenant, si la personne commence à le faire d'une façon plus affective, elle commence à aimer sa cheville, ça va aider énormément. Pas tomber en amour avec, non plus. Ben, non, parce que l'autre va être jalouse, puis tu vas commencer à boiter. Tu vas boiter sur le genre. Mais est-ce qu'on peut parler en même temps? C'est ça. Maintenant qu'on est rendu, qu'on commence à aimer notre cheville, on commence à comprendre que c'est vrai que je l'ai maltraité un peu, puis je n'ai besoin de ce type de cheville-là. Moi, c'est une articulation qui m'est essentielle. C'est ça, on va te l'amuser à attacher mes souliers, ça ne s'applique pas. Et puis là, lentement, je commence à parler. Et ça paraît bête, tu sais, c'est sûr, faites ça dans votre garde-robe, dans votre chambre enfermée, faites ça quelque part, c'est personne, là. Mais c'est extrêmement efficace de retourner la parole énergétique en face du corps physique. Ton conjoint est jaloux, faut que tu t'assures qu'il comprend, puis c'est ta cheville que tu parlais. Étais-tu au téléphone? Non, je parlais avec ma cheville. C'est ça. Alors là, on commence à parler à sa cheville. Tu sais, la cheville, c'est pas correct. Quand tu marches de même, ça fait mal. Ça dérange le corps au complet, puis toi, tu t'uses là-dedans, là, tu parles. Ça fonctionne. Je ne demande pas de me croire, je vous demande d'essayer. Fait que tout à l'heure, là, essayez tout de descendre 3-4 marches sur un pied, là, faire mal à votre cheville, puis allez voir qu'après ça, si vous lui parlez, ça va effectivement t'aider énormément. La personne qui a soif, qui commence à se parler, tu sais, écoute, lâche pas, ça sert à rien, là, t'es pas mourir dans le désert, torieux, ça fait 4 jours que tu marches. C'est bon, mais ben, peut-être que, tu sais, si tu meurs là, puis l'autre bord de deux dunes, là, il y avait un oasis. Fait qu'en vrai, il continue. Mais à qui la personne parle? Parle à son ego. Parce que l'ego veut s'effondrer. Mais en même temps, c'est en vrai, lâche pas, continue. Mais tout ça au complet s'adresse à tous les corps. Corps physique, lâche pas, en vrai, un autre pas, main, puis en avant. Celui qui fait des poids et haltères, c'est la même critique d'affaires. C'est la personne qui fait de la course pour s'entraîner au marathon. Ou encore aux Olympiques, mais à un moment donné, elle ne peut plus. En vrai, elle continue un pas, lâche pas, continue. Elle parle à son corps physique, et là, elle est capable d'amener le corps physique à avancer, donc à se renforcer. Alors que normalement, la limite atteinte, elle s'écrase. Bien, avec la parole énergétique, tu vas aller à la limite que tu as normalement, puis là, subitement, le surhomme, la surfemme, le surenfant apparaît, puis là, tu es maintenant capable de dépasser tes limites, sans atteinte au corps physique, parce que tu lui parles. Parle à ton corps énergétique, ton corps vital. Il n'y a pas de danger que tu l'abîmes plus que si... Il y a des dangers que tu l'abîmes si tu ne lui parles pas le temps que tu avances. Autrement dit, si c'est une question d'orgueil, là, le monde te regarde en ouais, lâche pas, le monde te regarde, faut que tu... Bon, là, il y a des dangers. C'est comme le cheval qui va se crever à un moment donné sans à courir, sans s'en rendre compte. Il faut un contrôleur. Il y a des personnes dans certains pays qui vont à la chasse avec des chiens. Mais les autres, ils calculent. Après un laps de temps, il faut qu'ils rappellent leurs chiens. Les chiens vont courir jusqu'à mourir. Puis les chevaux vont faire la même chose. Un cheval, ça va courir avec un cavalier dessus, c'est encouragé jusqu'à temps qu'il éclate. Les poumons ne peuvent plus, après rien fonctionne, il se crase, il est mort. Donc, il faut un contrôleur. Chez l'homme, chez la femme, chez l'enfant, il faut aussi qu'il y ait un contrôleur. Si on se parle, c'est nous qui contrôlons. On va être capable d'améliorer notre performance physique d'une façon très extraordinaire, sans arrêt. C'est ce que les athlètes vont faire. Bon, les athlètes, bon, souvent on va dire, quand on connaît pas le principe, qu'est-ce qui se passe? Donc, que... Il se passe quoi? Il se passe donc que je prends quelqu'un dans la salle, puis je décide que je l'entraîne. La personne, elle, elle va me dire, il faut un entraîneur, hein? C'est quoi l'entraîneur? C'est quelqu'un qui dit, t'es capable. Mais à qui on parle quand on dit t'es capable? C'est un saut de plus, il te manque 6 pouces, fait, tu l'as, fait que pratique encore, tu recommences avec ta perche, vas-y. Bon, tu sais, contracte tes muscles, bon, à qui on parle au corps physique. On parle en même temps à l'ego, puis on parle à tout ça au complet. Pourquoi on a besoin de quelqu'un pour nous dire ça? Parce que l'État assujetti aux lois de la médiocratie, on ne se fait pas confiance. Si moi je me dis, t'es capable, quel beau cœur. Mais si quelqu'un me le dit, c'est correct. Puis plus il va avoir d'énergie dans sa voix, plus je vais le croire. En réalité, ce n'est pas une question de croire, de croyance. C'est une question simplement qui me permet d'aller plus loin. On doit se le faire. Est-ce qu'il y a une forme de peur en même temps par rapport à celui qui instruit? Les instructeurs sont souvent considérés comme des personnes bien dures puis bien... Oui, parce que l'instructeur force le corps physique, l'ego et toute la structure humaine au complet à aller plus loin que les limites connues de l'ego. Chaque fois qu'un ego va plus loin que ce qu'il connaît, il a peur, puis il chiale, puis il se plaint, puis il résiste, puis il veut pas. Fait que si c'est lui qui se l'informait, il aurait peur de la même façon? Il aurait peur de la même façon, sauf qu'il pourrait continuer à fonctionner même s'il n'y a pas d'entraîneur autour de lui. Mais c'est qui lui dirait, lui, si c'est pas l'ego? C'est l'esprit. C'est l'intelligence chez les individus. Qu'est-ce que c'est l'intelligence chez les individus? C'est ce qui vous permet de reconnaître ce que vous faites chez vous. Quand on parle dans la Bible que l'humain a le libre arbitre, l'humain a la capacité de discerner le bien du mal, puis maintenant, c'est à lui de décider s'il fait le bien ou s'il fait le mal. Moi, j'ai toujours dit qu'au niveau astral, l'humain a la capacité de discerner le bien du mal seulement après avoir accompli une action. Tout ce qu'il peut faire, autrement dit, c'est se dire « Ah, j'aurais pas dû » ou « Ah, j'aurais dû » ou « Tant mieux, je l'ai fait ». Après ça, il se sent coupable. Parce que l'humain n'a pas de libre arbitre en fonction de savoir s'il va appliquer le bien ou le mal. L'humain est manipulé. Ouais, subi. Oui, comme je parle souvent, vous voulez maigrir, puis vous mangez encore du croche au travers, vous savez ce qu'il faut faire. Mais vous n'avez pas le libre arbitre de le faire. Bon, ce qu'on a comme libre arbitre finalement, c'est même pas un libre arbitre, ça nous sert uniquement à ceci. Ça sert à quoi de savoir ce qu'il faut faire si on ne peut pas le faire? Ben c'est comme ça que l'humain est construit. Comme ça, l'humain peut souffrir en masse, ça nourrit le monde de la mort, c'est des choses sur lesquelles on reviendra à un moment donné. Bon, l'humain est construit justement pour souffrir, dans sa souffrance, il nourrit des phénomènes qui manipulent l'humain. Maintenant, ce qui arrive, c'est que à travers cette structure-là, l'homme est capable, de plus en plus, l'homme, la femme, l'enfant, de voir ce qu'il devrait faire. Mais c'est ça l'esprit. L'esprit, c'est simple. L'esprit, c'est ça. Alors, la personne qui dit « faut que j'arrête de faire ceci », ça le fait encore. C'est correct. Mais ce qui dit « faut que j'arrête de faire ceci », si ce qui le dit ne se sent pas coupable de le faire, c'est de l'esprit. Si ça se sent coupable de le faire, c'est une autre partie de l'ego qui a appris que c'était plus à la mode de le faire. Il fallait qu'il change. Maintenant, c'est à la mode d'évoluer. Hein? Il y en a qui sont devenus végétariens, et uniquement parce que c'était la mode d'être végétarien. Fait que là, moi, à un moment donné, elle avait le goût de prendre la viande, elle se sentait coupable de prendre la viande, elle voulait être végétarien. Bon, ça, c'est pas de l'esprit. Parce que l'esprit ne suit pas la mode. À un moment donné, votre corps physique a besoin de végétaux, on mange des végétaux. Il a besoin de viande, on mange de la viande. Bon. L'esprit, c'est ce qui fait en sorte que chaque personne sait exactement ce qu'il a à faire. Mais tout le monde en a. Est-ce qu'en disant comme ça, on saurait qu'est-ce qu'on a besoin de manger? Ah oui. Qu'est-ce que le corps physique a besoin si on a des problèmes de par rapport à la nourriture? Est-ce qu'on peut s'instruire soi-même à chaque repas? Il y a des façons de le faire. Par exemple, je vais te donner un exemple, moi, très, très, très banal. C'est quelqu'un ici qui ne sait pas qu'est-ce qu'il devrait manger pour sa santé. Qu'il ne le sait pas. Pas qu'il ne le fait pas, qu'il ne le sait pas. Quelqu'un ici, vous voulez la main? Vous savez tout ce qu'il faut manger pour votre santé? Ben non, t'as toute peur de lever la main. Hein? J'en connais, moi, ici, qui savent pas ce qu'il faut qu'ils pensent, qui savent pas ce qu'il faut qu'ils mangent, ailleurs, vous faites ça. Levez la main, forcez-vous, ouais, lève ta main, toi aussi, là. C'est moins élevé que ça. Il y en a déjà un. Parce que plus qu'il y en a qui lèvent, plus qu'il y en a qui lèvent, hein, vous savez, c'est une chose intéressante, ça, là. Alors, vous savez pas que je vous demande de venir ici, hein, pour parler, hein, c'est ça. Toi, tu sais pas ce qu'il faut que tu manges, viens ici. Viens ici. Mais juste à te voir, c'est vrai que c'est pas ce qu'il faut que tu fasses. Mais regardons bien ceci. Tu me donnes la main. Parfait. Tu vas ça devant les caméras, là. Bon, mais ça me pratique au plus tard. Ça va pas faire la télévision, là. Serre-moi la main. Serre-moi la main fort. Parfait. Bon, OK. C'est bon. Arrête de serrer la main. Bon. Tu bats le pinot, c'est bon pour toi. Non. Non, serre-moi la main. Serre-la fort. Tu bats le pinot, c'est bon pour toi? Non. Oui, c'est bon pour toi. Tu la rachètes, tu en as besoin. C'est pas bon pour ton colon, mais c'est bon pour toi. Parfait. Maintenant, du sel, c'est bon pour toi? Non. Serre-moi la main. Tu as besoin de ferrer le sodium. Puis encore plus que le beurre d'épinette. Non. Ouais, effectivement. De la boisson, c'est bon pour toi? Non. Serre-moi la main. Est-ce que ça tremble, ta main? Effectivement, tu n'as pas besoin du tout. Non seulement tu n'as pas besoin, en plus, tu n'as pas. Bon. Vous voyez comment c'est facile? Juste avec la main. Mais là, ce qui va arriver, prenons l'exemple. Tu prends tes deux mains ou tu prends un poids de 100, de, mettons, de 50 livres. Oh, lève facilement. Prends-en un de 100 livres. Oh, ça va être compliqué. Parfait. Faire des pinottes. Pas capable de lever. Mange-en pas, c'est pas bon pour toi. Du sucre. Oh, ça, je suis capable. Tu as peut-être besoin, effectivement, de glucose, de dextrose et des choses qu'on a besoin. Tu peux aller te remettre debout là-bas. Bon. L'humain a toutes les structures chez lui pour savoir. Mais là, ce qui va arriver, c'est qu'une fois que monsieur ici va savoir ce qu'il doit manger ou ce qu'il ne doit plus manger, c'est là que la parole énergétique va commencer à être opérationnelle pour l'aider à s'en sortir. Là, tu prends ton poids et à terre, ou tu prends quelque chose que tu arrives à la limite à lever, là, puis si ça ne va pas, le corps va carrément te le dire, tu ne pourras plus le lever. Bon, la radiesthésie, ça peut faire la même chose, mais l'astral influence trop le pendule, ce qui fait que c'est pas long, qui commence à nous mentir, il nous donne ce qu'on veut savoir. Bon. Moi, je faisais ça quand j'allais à l'école, au secondaire, je passais mes examens avec un pendule. Tu sais, est-ce que c'est oui ou non? Ça a des vrais, faux, vrais, faux, vrais, faux, parce que moi, je suis vrai, je suis faux, tu sais. Le prof m'a pogné à un moment donné, mais il trouvait que j'étais niaiseux. Je suis niaiseux, parce que est-ce que je peux continuer à faire l'affaire niaiseuse? Je devrais pas avoir peur que je passe l'examen. Tu sais. Mais finalement, à un moment donné, ben, là, le pendule a commencé à me donner des affaires tout croche au travers. Fait que je l'ai... Fendu. Ouais, je l'ai donné à mon professeur. Dit, c'est à toi de savoir si faut que tu te maries ou pas. Il s'est marié, puis il était malheureux. Bon, il fallait pas qu'il prenne mon pendule. Parce que... Mais on a ce qu'il faut. Avec la radiesthésie, on peut savoir. Sauf qu'encore une fois, l'émotivité vient trop mélanger la chose. Mais là, pourquoi la poignée de main est plus ou moins forte selon que c'est bon ou c'est pas bon pour l'individu? Bon, pour la simple raison que là, dans la poignée de main avec moi, la différence qu'il va y avoir simplement, c'est que son ego sait que par la poignée de main, il est en contact avec moi. Puis son ego sait très bien que je sais les réponses. Alors, ce qui va arriver, c'est que quand il dit la vérité, il est en accord avec moi-même, sa poignée de main reste fiable et honnête. Quand s'il y a quelque chose au niveau mental, par exemple, je pose la question, la boisson, est-ce que c'est bon pour toi? Automatiquement, lui, il sait très bien que non. Puis la poignée de main, il sait. C'est comme si il avait peur de m'avouer que c'est pas bon. Bon. Puis là, on peut aller bien loin. Le sucre, ce sera la même chose, ou etc., ou le sel. Bon, lui, il a besoin de chlorure de sodium. On en a absolument besoin. On a besoin du chlore et du sodium pour permettre les communications, disons, les dépolarisations nerveuses au niveau du corps physique. Alors, ce qui fait que, par exemple, disons que monsieur ici aurait de temps en temps des tremblements, ben il y a peut-être aussi un problème de dépolarisation. Ce qui fait qu'effectivement, il doit aller chercher dans les aliments des choses qui vont l'aider. Bon, s'il y a d'autres choses, il y a le potassium aussi qui sert à ça, mais on passe là-dessus. Mais est-ce que c'est parce que ça consomme en même temps beaucoup d'énergie de penser à quelque chose qui n'est pas bon? C'est que le corps physique réagit mal à quelque chose qu'on va lui dire si on parle d'aliments. Alors, on prend des personnes, vous asseyez ensemble deux personnes par deux personnes, hein, ça l'aide, mais on doit être sensible à... Lui, il serait aussi fort, mais s'il met à trembler. OK? Alors, moi, je prends sa main. C'est toujours une question de différence de potentiel. C'est extrêmement important au niveau juste de voir ça. C'est que moi, j'ai dit ça à moi la main, puis là, je sens quand même serre la main. Mais je dois être sensible. Son petit doigt ne serre pas la main. C'est juste lui qui serre la main, les quatre autres doigts. À un moment donné, je lui dis, bon, prends un poison, c'est bon pour toi. Il me serre la main aussi fort, mais son petit doigt vient d'à côté. Là, j'en déduis que le petit doigt, quand il se met à travailler, c'est parce que c'est pas bon. Mais je dis pas. Parce que si j'ai dit, il va le savoir, son ego va commencer à tricher. Je dis pas. Là, il va maintenant. Bon, parfait. Les pâtes alimentaires, c'est bon pour toi. Tu dois bien serrer. C'est un poison. C'est pas bon pour lui. Je dis, ça, c'est pas bon pour toi. Comment ça, tu sais ça? Laisse faire. C'est bon pour toi. Il écrit. Bon, les sauces épicées, c'est bon pour toi. Il se met à serrer, tu dois bien pas contracter. Aucun problème. Ça, t'as intérêt à manger. Tu l'écris. Une personne qui est en diététique va dire, voyons donc, les sauces épicées, c'est mauvais pour tout le monde. Ça dépend bien des choses. C'est pas mauvais pour tout le monde. C'est mauvais pour quelqu'un pour qui t'es mauvais. Est-ce que ça peut être mauvais ou bon dans certains cas pour une période de temps ou pour absolument, ça vérifie 2-3 mois après. C'est sûr, tu penses pas que c'est nécessairement absolu. Ben non, absolu, c'est pourri, absolu. Quand l'individu a trouvé un peu les choses qui allaient chez lui, on parle au niveau physique, là, mais au niveau vital, au niveau psychologique, ou etc., la personne, elle le trouve, la parole énergétique va être capable non seulement d'arranger son corps physique, non seulement de guérir des pathologies, la majorité des pathologies sont psychosomatiques. Mais là, on ne parlait pas du miroir tout de suite, c'est pas une question de dire, pouf, mon cancer devrait être disparu. C'est pas ça qui est le phénomène. Mais c'est évident qu'à la longue, le cancer va finir par s'en aller, comme il est venu. Ça a pris 20 ans à le développer, si t'es conscient, ça peut te prendre 5 ans à éclairer. Mais ça ne s'en ira pas tout de suite comme ça. Puis en attendant, si le cancer est trop évolué, qu'il peut tuer, c'est évident qu'une certaine forme d'entretien chimique, la médecine traditionnelle, ça peut t'aider. Mais c'est pas ce qui va te guérir. Mais c'est l'humain qui va se guérir lui-même. La parole énergétique tournée vers lui-même, ça va l'aider. Ça, c'est pour les guérisons physiques, mais pour les guérisons ou les corrections psychologiques, tu as déjà expliqué qu'on pouvait faire de différentes techniques. Par la chirurgie astrale, à un moment donné, puis par les rêves, puis par la pensée, tout ça. Et par la parole, est-ce qu'on peut aussi faire du nettoyage dans l'ego? Mais c'est la même chose. C'est la parole énergétique, tout à l'heure, on parlait de se parler. Il existe dans le passé un terme qui dit « c'est raisonner ». Soyons raisonnables. Bon, tu as peur de quelque chose, puis là, tu raisonnes. Se raisonner, c'est se parler. Mais la personne qui sait clairement ce qu'elle fait, c'est pas long qu'elle va être capable de contrôler. La peur va rester là parce que l'ego est une mécanique capable d'exprimer la peur. Mais la peur ne viendra plus colorer la conscience d'un individu. Donc la personne va savoir drôlement mieux ce qu'elle a à faire pour arriver à s'en sortir d'une façon convenable, à garder l'intégrité de ses corps. Sauf que, on parle d'être raisonnable, la personne, elle n'a pas la capacité de se raisonner parce que là, ce qui arrive, c'est qu'elle ne connaissant pas la différence entre la parole et la pensée, elle pense dans sa tête, oui, mais c'est dangereux, puis elle y va, puis elle y va, puis elle y va, puis elle panique. Hein, ça crée une synergie, un cercle vicieux de panique. La personne peut bouger. Même si dans votre tête, la pensée crée un cercle vicieux total de blocage, si vous parlez, puis vous vous écoutez, vous allez immédiatement y mettre fin. Puis là, immédiatement après, on est capable de commencer à contrôler un peu plus. Ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut prendre patience. Disons qu'un chien veut m'attaquer, il est attaché après. Donc, il y a une laisse, la laisse est prise après un poteau, puis le poteau est en train d'arracher, là, tu sais, puis j'ai l'impression que ça va aller mal. Point de vermin. Non, on prend un chien moins dangereux, on prend un pitbull, bon. Et puis, là, le chien gratte à terre, etc., tu vois les étincelles dans toutes les griffes, bon, il veut venir. Et puis, qu'est-ce que tu fais là? C'est la peur totale à l'intérieur de ta tête qui est prise dans un cul-de-sac. Bon, c'est même à la marcher, quoi. Bon. Et là, qu'est-ce qui se passe? Ben, il se passe, c'est que, mettons, tu veux commencer à parler, tu dis pas au chien, c'est pas au chien qu'il faut parler, c'est pour à soi-même. On doit virer ça sur nous autres pour commencer. Là, tu vas dire, bon, calme-toi. Là, la personne qui, normalement, est une personne facilement manipulable, va dire immédiatement, tu vois, je suis même pas capable de parler, je bégaye. Là, va dire, ben écoute, ça de bégayer. Là, on est en train de se perdre. J'ai toujours dit qu'on doit régler une affaire à la fois. Alors là, ça va être cesse d'avoir peur. Fait qu'on va le dire, ça de d'avoir peur. Calme-toi. On laisse faire le bégaiement. On travaille sur la peur, pas sur le bégaiement. Hein? C'est pas sa transpiration, c'est pas sur le pied qui se promène à terre, ou etc. Une chose à la fois. Puis progressivement, la personne va commencer à sentir que le calme s'installe chez elle. L'eau commence à être plus plate. Il y a des petits remous encore. Puis après ça, probablement qu'elle va être capable de parler au chien. Mais c'est pour une affaire à la fois. C'est phénoménal comment ça peut fonctionner. Ça ne sert à rien que je vous conte mes expériences là-dessus. Souvent, les personnes me disent « Ah oui, mais c'est pas pareil. Lui, c'est Daniel Kemp. » Non, j'ai essayé ça. Pas avec un chien, mais il y a pas longtemps, une semaine à peu près. Effectivement, dans un climat de panique égoïque, en général, une peur physique, ça fonctionne. C'est entouré de forces noires. Oui, très, très noires. C'est en Afrique. Ça fonctionne. Ben, je sais que ça fonctionne. On a deux individus paniqués totalement, puis on a commencé à se parler, mais à parler vraiment, le plus vraiment possible. À un moment donné, ben, l'ego s'est calmé. Ça, c'est... Oui, à un moment donné, moi... sa situation, mais ça n'a rien changé. De toute façon, ce qui devait arriver, ça va arriver pareil. Oui, c'est vrai et c'est faux. Dans ton cas, ce qui doit arriver n'est pas écrit. À un moment donné, moi, j'étais au Guatemala et puis j'étais dans la jungle et je me ramasse avec un père missionnaire dans une tribu de guerrieros. Et puis les guerrieros, c'était compliqué parce que l'armée pensait qu'on était des guerrieros déguisés, puis les guerrieros pensaient qu'on était l'armée déguisée, puis finalement, tu sais, partout où tu vas, tu peux tirer sur les deux côtés. Puis à un moment donné, je me ramasse nianée avec un guerrier rose qui nous pointe une carabine sur le nez. Et puis là, lui, il décide qu'il nous élimine. Bon. Alors là, c'est évident que il y a plein de choses qui se passent chez toi. Alors moi, je lui ai parlé. Je parlais pas trop bien espagnol, mais là, je parlais pas pire espagnol. Et puis, ça prend vite, des fois. Ah, j'ai apprécié une semaine, moi, qui sont là-bas. J'ai intérêt. Et puis, je lui ai expliqué simplement qu'il regretterait de me tuer parce qu'on est là pour l'aider, puis etc. Puis lui, c'est un père missionnaire, puis bon. Fait que lui, il dit oui, mais le père missionnaire, il se promène armé, parce que le père, c'était toujours armé. Il tirait guérillos. Alors, là, tu prends une parole qui est correcte. Et puis, en même temps, je me parlais dans ma tête, hein, mais je ne savais pas que j'étais Daniel Kemp à l'époque. C'est pas nécessaire de dire, ah oui, mais lui, c'est parce qu'il est Daniel Kemp. Mais à l'époque, je ne savais pas que j'étais Daniel Kemp. Son passeport, je sais. Ah, j'ai pas le temps de regarder son passeport. En plus, il me l'aurait ramassé. Ça vaut 1000 pièces là-bas, à l'époque. Et puis, à un moment donné, je me suis rendu compte que dans ce que je lui expliquais, il n'y avait rien à faire. La parole était correcte. C'est correct. Aujourd'hui, ce serait beaucoup mieux. Hein. Mais à l'époque, je lui expliquais des choses. J'essayais de l'amadouer, puis il n'y avait rien à faire. Qu'est-ce que tu fais dans ce temps-là? Ou tu paniques ou tu continues à parler? Ben, j'ai continué à parler, puis je l'ai fait paniquer à la place. Vu que c'était pas correct qu'on venait l'aider, ben, je suis subitement, j'ai commencé à lui expliquer. Regarde-moi les yeux comme il faut. C'est quoi, j'ai de l'air? Mais ben, je ne s'attendais pas à une question comme ça. Puis là, lui à côté, là, ça a l'air de quoi? Regarde la face, regardez le nez. Il était laid, le bonhomme. Il était correct en moitié, mais tu sais, physiquement. Et puis, je commence à continuer à parler avec lui, puis finalement, quand on a conclu ensemble, là, c'était probablement qu'on était très, très, très, très satanique et diabolique. Puis là-bas, ils sont extrêmement superstitieux. Ça fait que tuer un ange, c'est facile. Tuer un diable, un démon, là, ça, c'est dangereux parce qu'il ne pourra plus dormir, je le sais très bien. Puis j'ai expliqué clairement. Il ne nous a pas tué. Tu vois, il faut être capable de changer sa chemise de bord, ça l'aide beaucoup. Mais quand on parle de parole, une personne va dire, ouais, mais c'est à cause que, c'est pas à cause que. Il y a plein de personnes qui réussissent dans la vie, des personnes qui sont malades, qui s'en sortent. Comment il s'appelle le bonhomme là, qui danse, là, qui gigue tout le temps, là, qui est pogné avec des fourmis, là? Nadeau. Le monsieur technique Nadeau. Vous le reconnaissez, parce que monsieur Nadeau, personne ne le connaît. Bon. Bonhomme-là, c'est qui? C'est rien d'autre. C'est rien d'autre que n'importe qui. Et à un moment donné, il a commencé à se parler. Et pour supporter sa parole, il a commencé à danser. Puis là, il dit, c'est l'oxygénation. L'oxygène, c'est quelque chose qui oxyde des cellules, qui tue et qui vieillit. C'est l'hydrogène qui sert de comburant. Mais ça, il ne sait pas. Donc, c'est pas parce que c'est l'oxygène qui est arrivé à guérir. On met de l'oxygène à un paquet de malades, puis ça ne marche pas plus. Bon. Après ça, il commence à danser, ça fait circuler le liquide céphalo-rachidien au niveau, bon, ça fait marcher la pompe sacrée, c'est correct. Mais c'est parce que ce bonhomme, il sait parler. Il est il est capable. Puis là, un peu plus, puis gars, l'articulation, elle va se débloquer, elle va se débloquer. On l'a ouais. Puis finalement, le gars, il guérit de ce qu'il y avait. Les personnes qui vont appliquer la technique Nadeau, ça va fonctionner parce qu'ils ont la foi. Dans la technique. Ouais, puis dans le bonhomme. Mais ça fonctionnerait drôlement mieux si les gens seraient ouverts à eux-mêmes, donc qu'ils auraient foi en eux, parce que la foi, c'est simplement une ouverture. Quand on parle de la foi, c'est pas une croyance. Quand on parle réellement de la vraie foi, là, c'est pas une croyance aveugle. La foi, c'est de l'ouverture. Si on est capable d'être ouvert, on l'a. Si moi, j'ai foi dans mes enfants, je suis ouvert à mes enfants. Si j'ai foi, par exemple, dans le Nazaréen que je rencontre sur le bord du trottoir, nécessairement, je suis ouvert à lui. Hein, il y a des places où le Nazaréen est allé, puis il n'a pas pu guérir. Les gens n'ont pas la foi. Bon, si les gens auraient eu la foi, ils auraient pu guérir. La foi, c'est l'ouverture. Si on est ouvert à l'énergie, si on est ouvert à la vie, si on est ouvert simplement à l'esprit, ça fonctionne. Ça, c'est la vraie foi. Fait que tu n'as pas besoin d'être un religieux pour avoir la foi. Maintenant, ce qui va arriver, c'est que les personnes qui ont foi dans la technique Nadeau sont ouvertes dans certaines choses et ça va passer. Mais pour avoir des résultats drôlement plus efficaces, s'ils auraient foi en eux, donc sont ouvertes à elles-mêmes, puis là, ils commencent à se parler. Lui, le bonhomme, a réussi à inventer ça parce qu'il se parlait. Puis quand vous le rencontrez, ou si vous le voyez à la télévision, vous allez voir qu'il ne fait pas rien que se parler, il parle en tabarnouche. Il parle à tout le monde. La parole l'a guéri. La parole l'a sauvé. Bon. Et présentement, parce qu'il a la parole, bien, il continue à s'entretenir. Hein? C'est sûr qu'à un moment donné, il va arriver à la limite de la puissance de sa parole, puis il va mourir. Par contre, s'il pourrait développer sa parole, mais il a développé son ego en même temps, hey, c'est dommage, s'il pourrait développer sa parole tout en s'en égoïsant, ce bonhomme-là, il est pas mort tout de suite. Ça l'aide pour un bout. Très tard. C'est ça. La parole énergétique, on doit la revirer vers soi-même, ça veut dire qu'on doit apprendre à se parler. Rappelez-vous simplement de l'athlète olympique qui est capable de pousser son corps au-delà d'eux. Ça veut dire, ah oui, mais il y a un corps athlétique. Il n'y a pas le corps pour faire le marathon. C'est pour ça qu'il s'entraîne. Mais subitement, il arrive à le faire. Donc, il se parle, il se motive. On va dire il se motive. Il parle à son corps aussi. Avance un pied. On peut se guérir on peut s'améliorer énormément au niveau de la sérénité psychologique, donc émotive, astrale, et on peut progressivement faire descendre de plus en plus l'intelligence qui va nous permettre de trouver dans la vie notre trou. Et trouver son trou dans la vie, ça veut dire subitement être à la bonne place au bon moment, tout le temps. Alors tu dis pas, oui, mais j'aimerais faire tel emploi. C'est pas ça trouver son trou. C'est pas ça que tu fais. La personne qui est capable de revirer la parole énergétique vers elle-même, comme on disait, c'est s'occuper d'autrui, c'est à l'entraque, il a posé des questions. Puis là, la deuxième partie, on aurait une question. Est-ce que la parole énergétique peut m'aider à guérir mon frère ou mon chum ou... C'est pas ça qu'il faut qu'on commence par faire. Faites-le pour vous-même. Puis montrez-lui à le faire pour lui-même. Guérissez-le pas. Vous avez des questions sur le sujet ou sur n'importe quel sujet, vous les écrivez, puis écrivez ça comme si Charles avait lu, et puis il va faire un plaisir. Ça ressemble à des livres.